Le ciel se teinte d'or et de feu. Raiders qu'il s'éveille, l'âme en feu. La forêt respire, le vent chuchote. Un nouveau jour où rien ne s'arrête. Les ombres fuient sous la lumière. Le combat renaît, fier et sincère. Les caisses s'ouvrent, le bruit des alliés. La team se lève, prête à avancer. Les murs se lèvent, l'acier se dresse. Face au danger, rien ne les oppresse. Chaque pierre posée est une victoire. Chaque pas gravé dans l'histoire. Les murmures du vent portent les voix de ceux qui luttent, qui n'abandonnent pas. Le grain est dur, la foi est forte. Dans la nuit noire, la lumière emporte. Sous les étoiles, les serments murmurés forment une alliance jamais brisée. C'est l'aube sauvage, le cri reprend. Chaque jour est un combat, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie éclaire la lumière. Nos voix s'élèvent, puissantes et fières. Unis à jamais contre la misère. Les forêts vibrent sous les pas agiles. Les pièges sont tendus, la guerre est subtile. Les raids grondent, le feu éclaire, la team veille. Rien ne désespère, les visages fatigués mais déterminés portent l'espoir d'un monde renouvelé. Les cœurs battent au rythme des tambours. La foi éclate, les tambours battent, jamais ils ne s'arrêtent. Le combat continue, la lumière éclaire. Dans cette forêt, la légende prospère. Les pas résonnent, le combat s'intensifie. Raiders qu'il crie, la team amplifie, les basses tiennent. Les murs résistent, chaque victoire résonne, jamais ne s'efface. Le grind est dur, mais la force est là. Chaque jour, le combat recommence. Le calme revient, la nuit s'apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. Chaque étoile éclaire notre chemin. Dans cette forêt, la vie prend fin. Les voix s'apaisent. Le silence grandit, la flamme brûle, jamais elle ne faiblit. Raiders qu'il sourit, prête à repartir. Dans ce sanctuaire, la lutte va finir. Les sabots frappent, la forêt vibre. Les voix s'élèvent, défiant le pire. Raiders qu'il crie, la team résiste. Dans ce combat, rien ne s'efface. La victoire s'approche, la guerre continue. Dans ce monde sauvage, tout est revu. C'est l'aube sauvage, le cri reprend. Raiders qu'il mène la team en avant. Chaque jour est un